Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 5e, Réfutation des Ariens. Chapitre 9. Des personnes divines. J'emploie ici le mot essence, qui est un terme de la langue grecque, et qui répond dans la nôtre à celui de substance. Les Grecs disent également l'hypostase, mais quelle différence mettent-ils entre l'essence et l'hypostase? Ceux qui ont écrit en grec sur la Trinité disent communément une seule essence et trois hypostases, expression qui signifie en latin une essence et trois substances. Quoi qu'il en soit, l'usage a prévalu parmi nous d'attacher au mot essence le sens du mot substance. Aussi n'oserais-je point dire une seule essence et trois substances, mais une seule essence ou substance et trois personnes. Ce langage est celui qu'ont adopté plusieurs auteurs latins bien recommandables, et ils l'ont employé, n'en trouvant pas de meilleur pour exprimer par la parole ce qu'ils comprenaient sans le secours de la parole. Et, en effet, puisque le Père n'est pas le Fils, que le Fils n'est pas le Père, et que le Saint-Esprit qui est aussi appelé le don de Dieu, n'est ni le Père, ni le Fils, il faut nécessairement reconnaître trois personnes en un seul Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit au pluriel, « Le Père et moi nous sommes un ». Jean 10, 30. Les Sabelliens traduisent au singulier, « Le Père et moi est un ». Tandis que le Sauveur a dit, « Nous sommes un ». Il y a donc trois personnes en Dieu. Mais s'agit-il de définir ce qu'est une personne divine? Soudain toute parole humaine devient impuissante. Aussi disons-nous trois personnes, moins pour dire quelque chose que pour ne pas garder un silence absolu. Chapitre 10. Tout ce qui se rapporte à la nature divine, se dit au singulier des trois personnes. De même donc que nous ne disons point qu'il y a en Dieu trois essences, nous ne reconnaissons pas en lui trois grandeurs, ni trois êtres souverainement grands. Car dans les choses qui ne sont grandes que relativement, il faut distinguer la grandeur de la chose elle-même. C'est ainsi que nous disons une grande maison, une grande montagne et un grand esprit. Mais dans ces trois exemples, la grandeur n'est pas la chose même qui est grande, en sorte que la maison, si grande qu'elle soit, n'est pas la grandeur elle-même. Nous concevons en effet la grandeur comme indépendante soit de la maison, ou de la montagne que nous nommons grande, soit de tout autre objet auquel nous appliquons une idée et une relation de grandeur. Ainsi la grandeur est autre que les objets qui lui empruntent leur grandeur, et cette grandeur, principe premier de toute grandeur, surpasse excellemment tous les sujets sur lesquels elle se réfléchit. Or, Dieu n'est point grand d'une grandeur qui ne lui appartienne point en propre, en sorte qu'il soit obligé de lui emprunter celle dont il jouit. Autrement nous concevrions la grandeur comme étant au-dessus de Dieu, tandis qu'il est l'être premier et souverain. Donc Dieu n'est grand que parce qu'il possède par lui-même toute grandeur. C'est pourquoi nous ne disons point qu'il y a en lui trois grandeurs, pas plus que nous n'affirmons en lui trois substances. Car Dieu est grand par cela seul qu'il est Dieu. Et de même nous ne disons point que les trois personnes divines sont trois êtres souverainement grands, mais un seul et même Dieu souverainement grand, parce que Dieu n'est point grand d'une grandeur étrangère et empruntée, mais qu'il est grand par lui-même, et qu'il est lui-même le principe unique de sa grandeur. Nous tenons également le même langage quand nous parlons de la bonté, de l'éternité et de la toute-puissance de Dieu, et en général de tous les attributs qui se rapportent à la nature divine, et qui sont exprimés dans un sens propre et direct, et non point dans un sens accommodatif et métaphorique. Mais que peut exprimer la parole de l'homme, lorsqu'elle veut expliquer l'essence même de Dieu? Chapitre 11. Des relations divines. S'agit-il au contraire des opérations propres à chacune des trois personnes divines? Nous disons qu'ici ces opérations ne touchent pas à la nature même de Dieu, et qu'elles n'affectent que les relations des trois personnes entre elles, ou leur rapport avec les créatures. C'est pourquoi il est évident que tout ce qui s'affirme alors de Dieu tombe sur les relations divines, et non sur la nature ou essence divine. Ainsi nous disons des trois personnes de la Sainte Trinité qu'elles ne sont qu'un seul et même Dieu, et que ce Dieu unique est grand, bon, éternel et tout-puissant. Nous ajoutons encore qu'il est à lui-même le principe de la divinité, non moins que sa propre grandeur, sa propre bonté, sa propre éternité, sa propre puissance. Mais on ne peut donner à la Trinité entière le nom de Père, si ce n'est peut-être dans un sens relatif aux créatures et à cause de notre adoption divine. Et en effet, cette parole de l'Écriture, « Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est seul Seigneur », Deutéronome 6, 4, ne doit point s'entendre du Père à l'exclusion du Fils et du Saint-Esprit. Cependant nous pouvons avec raison appeler Père ce Dieu unique, parce qu'il nous engendre par sa grâce à la vie spirituelle. Mais on ne saurait dans aucun sens nommer la Sainte Trinité Dieu le Fils. Quant à l'Esprit Saint, comme il est écrit que « Dieu est Esprit », Jean 4, 24, il est permis de le faire du moins dans un sens général, car le Père est Esprit, le Fils est Esprit, et également, le Père est Saint, et le Fils est Saint. Ainsi parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un seul et même Dieu, et que ce Dieu est tout ensemble Saint et Esprit, on peut désigner la Trinité tout entière par le mot Esprit Saint. Néanmoins, quand il s'agit spécialement de l'Esprit Saint comme troisième personne de la Sainte Trinité, et non de la Trinité tout entière, nous le nommons Esprit Saint dans un sens relatif, et par rapport au Père et au Fils, car il est l'Esprit du Père et du Fils. Cependant il est vrai de dire que ce nom n'exprime point ses relations divines, et qu'elles se montrent bien mieux dans celui, de don de Dieu. Actes des Apôtres 8, 20. Il est en effet le don du Père, puisque, selon la parole du Sauveur, il procède du Père, et il est également le don du Fils, puisque l'apôtre nous dit que, celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ n'est point à lui. Jean 15, 26, Romains 8, 9. C'est donc relativement aux deux premières personnes de la Sainte Trinité que nous nommons la troisième don de Dieu, quoiqu'elle ne soit pas elle-même étrangère à cette donation. Car nous la considérons comme l'union ineffable du Père et du Fils, et peut-être n'est-elle appelée Esprit Saint que parce que ce même nom convient au Père et au Fils. Ainsi le mot Esprit Saint désigne spécialement la troisième personne de la Sainte Trinité, mais il s'applique aussi aux deux autres, car le Père et le Fils sont tous deux esprits et tous deux saints. L'Esprit Saint est donc nommé le don mutuel du Père et du Fils, afin que ce nom qui convient à l'un et à l'autre, explique par lui-même que dans la Trinité cet Esprit est l'union des deux premières personnes. Mais cette Trinité de personnes ne forme qu'un seul Dieu qui est unique, bon, grand, éternel et tout-puissant, et qui est à lui-même son unité, sa divinité, sa grandeur, sa bonté, son éternité et sa toute-puissance. Chapitre 12. Pauvreté du langage humain pour expliquer les relations divines. Cependant nous ne devons point nous troubler parce que nous ne donnons que dans un sens relatif, le nom d'Esprit Saint à la troisième personne de la Sainte Trinité, et que nous le refusons dans un sens propre et direct à la Trinité entière. C'est que ce nom n'a point de corrélatif dans la langue théologique. Et en effet, nous disons bien le serviteur du maître, et le maître du serviteur, le fils du père et le père du fils, parce que ces expressions expriment des relations personnelles. Mais ici, un tel langage serait erroné. Nous disons, il est vrai, l'Esprit Saint du Père, mais nous ne disons pas le Père de l'Esprit Saint, dans la crainte qu'on entende par là que l'Esprit Saint est le Fils du Père. C'est ici encore que nous disons l'Esprit Saint du Fils, et non le Fils de l'Esprit Saint, pour éviter qu'on ne croie cet Esprit Père du Fils. Au reste, dans un grand nombre de substantifs relatifs, le terme corrélatif manque absolument. Ainsi, quoi de plus clair que le mot gage ? Il implique toujours l'idée de celui qui le donne, et toujours il est la garantie de la chose à donner. Or, de ce que nous disons que l'Esprit Saint est le gage du Père et du Fils. Corinthiens 5, 5, Éphésiens 1, 14. S'ensuit-il que nous puissions dire le Père du gage et le Fils du gage ? Non, sans doute, lorsqu'au contraire, nous affirmons que ce même Esprit est le don du Père et du Fils, nous nous interdisons ces autres termes, Père du don, et Fils du don, et nous nous bornons à dire le don du donateur et le donateur du don, parce qu'ici nous trouvons un terme usité, ce qui n'existe pas dans le premier cas. Chapitre 13. Dans quel sens le mot « principe » se dit de la Trinité ? C'est dans un sens relatif que la première personne de la Sainte Trinité est nommée Père et Principe, mais elle est Père par rapport au Fils, et Principe par rapport à toutes les créatures. Le même terme s'affirme également du Fils, et en outre ceux de verbe et d'image, et parce qu'ils expriment tous la relation du Fils avec le Père, ils ne peuvent s'appliquer à celui-ci. Au reste, que le Fils soit principe, c'est ce qu'il nous apprend lui-même. Car comme les Juifs lui disaient, « Qui êtes-vous ? » il répondit, « Je suis le principe, moi qui vous parle. » Jean 8, 25. Mais est-ce qu'il serait le principe du Père ? Non sans doute. Et il ne se dit principe que dans ce sens qu'il est créateur au même titre que le Père. Et en effet celui-ci est appelé principe, parce qu'il est le créateur de tout ce qui existe. Or le terme de créateur a pour corrélatif celui de créature, de même que le mot maître implique celui de serviteur. Toutefois, quoique nous nommions le Père principe, et le Fils principe, nous ne reconnaissons pas dans la création deux principes différents, parce que le Père et le Fils ne sont à cet égard qu'un seul principe, de même qu'ils sont un seul Créateur et un seul Dieu. Mais comme il est vrai que tout être qui, tout en restant ce qu'il est, enfante ou produit au dehors quelque chose, est dit le principe de cette œuvre, nous ne pouvons nier que ce titre n'appartienne également à l'Esprit Saint. Et en effet nous l'appelons Créateur, et il est dit de lui qu'il opère au dehors sans altération aucune de sa substance, car il ne s'épanche, ni ne s'incarne dans les œuvres qu'il produit. Et, que produit-il donc ? Écoutez l'apôtre. Les dons du Saint-Esprit, dit-il, sont distribués à chacun pour l'utilité de l'Église. L'un reçoit du Saint-Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du même esprit le don de parler avec science. Un autre reçoit le don de la foi par le même esprit, un autre reçoit du même esprit le don de guérir les maladies, un autre le don des miracles, un autre, le don de prophétie, un autre, le don de parler diverses langues. Or, C'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons, selon qu'il lui plaît, c'est-à-dire, agissant en Dieu, car qui pourrait produire ces merveilles, s'il n'était Dieu? Aussi l'apôtre affirme-t-il que, c'est un seul et même Dieu qui opère toutes ces choses en tout. 1 Corinthiens 12, 6, 11. Chapitre 14. Le Père et le Fils sont le principe de l'Esprit Saint. Dans la Trinité, la personne qui engendre est dite principe par rapport à la personne qui est engendrée. C'est ainsi que le Père est principe du Fils, parce qu'il l'engendre. Mais soudain se présente une grave et difficile question, à savoir si le Père, de qui procède l'Esprit Saint, est le principe de cet Esprit. Si je réponds affirmativement, il s'ensuit qu'on doit nommer principe, non seulement celui qui produit et enfante quelque œuvre, mais encore celui qui fait un don quelconque. Mais ici rappelons tout d'abord, et comme pouvant nous donner quelques lumières, que le Fils n'est point le Saint-Esprit, quoique cet Esprit soit sorti du Père, ainsi qu'il est dit dans l'Évangile. Jean 15, 26. Je sais bien que cette assertion préoccupe plusieurs esprits, et néanmoins il est vrai de dire que l'Esprit Saint diffère du Fils parce qu'il est sorti du Père, non comme Fils, mais comme don. Nous ne saurions donc le nommer Fils, puisqu'il n'est point né comme Fils unique du Père, qu'en outre, il n'est point, comme l'homme, venu au monde pour recevoir la grâce de l'adoption divine. Quand nous disons que le Fils est né du Père, nous n'avons égard qu'à sa génération éternelle, et nullement à sa génération temporelle. Aussi n'est-il point fils du Père dans le même sens qu'il est fils de l'homme. S'agit-il au contraire de l'Esprit qui est donné, nous le rapportons également et à celui qui le donne, et à ceux auxquels il est donné. Ainsi l'Esprit Saint n'est pas seulement l'Esprit du Père et du Fils qui nous l'ont donné, mais il est encore l'Esprit de nous tous qui le recevons. Et de même nous disons que Dieu est notre salut, Psaume 3, 9, parce qu'il en est l'auteur et le principe, et que nous le recevons de sa bonté. Cependant l'Esprit Saint n'est point en nous l'Esprit, ou le souffle de la vie, et il n'est dans l'homme que d'une manière toute spirituelle. Aussi ne l'appelons-nous notre que dans le même sens que nous disons à Dieu, donnez-nous notre pain, Matthieu 6, 11. Nous reconnaissons toutefois que nous ne nous sommes point donné l'esprit ou le souffle de la vie, puisque l'apôtre nous dit, qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Mais autre est l'esprit que nous avons reçu pour vivre, et autre l'esprit que nous recevons pour devenir des saints. C'est pourquoi, lorsque l'évangéliste Saint Luc dit de Jean-Baptiste qu'il devait venir en l'esprit et la vertu d'Élie, nous devons entendre ces mots de l'Esprit Saint qu'Élie avait reçu. Luc 1, 17. Tel est également le sens de cette parole du Seigneur à Moïse. Je prendrai de votre esprit, et je le leur donnerai, c'est-à-dire que je leur ferai part de l'Esprit Saint que je vous ai donné. Livre des Nombres, 11, 17. Si donc l'Esprit Saint qui est donné, a pour principe celui qui le donne, parce qu'il ne procède que de lui, il faut avouer qu'à l'égard de ce divin Esprit le Père et le Fils sont un seul et unique principe, et non deux principes. Et en effet, comme le Père et le Fils ne sont qu'un seul et même Dieu, ils ne sont également, par rapport aux créatures, qu'un seul et même Seigneur, un seul et même Créateur. Et de même à l'égard de l'Esprit Saint, ils ne sont qu'un seul et unique principe. S'agit-il au contraire d'exprimer les rapports de la Trinité avec la création? Le Père, Le Fils et l'Esprit Saint sont un seul principe, un seul Créateur et un seul Seigneur. Chapitre 15. L'Esprit Saint était-il un don avant même qu'il fût donné? Si nous voulons approfondir ce sujet, nous rencontrons la question suivante. De même que le Fils est essentiellement Fils, et en dehors de sa naissance temporelle, l'Esprit Saint est-il par lui-même le don de Dieu, et abstraction faite de toute effusion sur l'homme? En d'autres termes, l'Esprit Saint existait avant qu'il fût donné, mais il n'était pas encore le don de Dieu, ou bien, parce que Dieu devait un jour le donner, il était déjà le don de Dieu quoiqu'il n'eût pas encore été donné. Voici ma réponse. Si l'Esprit Saint ne procède du Père et du Fils qu'au moment où il est donné, et si cette procession n'est point antérieure à l'homme auquel il devait être donné, comment pouvait-il exister personnellement et de toute éternité? Puisque selon vous il n'est que parce qu'il est donné? Vous reconnaissez que le Fils est Fils bien moins par relation de paternité et de filiation que par nature et essence. Et pourquoi n'avouerez-vous pas aussi que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils avant tous les siècles et de toute éternité, mais qu'il en procède comme devant en être le don? Ainsi il était le don de Dieu avant même que fût créé l'homme auquel il devait être donné. On peut en effet le considérer comme étant le don de Dieu, et comme étant donné de Dieu. Sous le premier rapport, l'Esprit Saint existe avant que d'être donné, mais le second ne peut s'affirmer de lui s'il n'a été réellement donné. Chapitre 16. Tout ce qui se dit de Dieu par rapport au temps se dit des relations et non de la substance. Quoique l'Esprit Saint soit coéternel au Père et au Fils, nous disons néanmoins de lui des choses qui n'ont existé que dans le temps, comme d'avoir été donné. Mais ce langage ne doit point nous surprendre, car si l'Esprit Saint, en tant que don de Dieu, est éternel, il n'a été donné que dans le temps. Et de même un homme n'est appelé maître que du jour où il a un serviteur. C'est ce que nous disons également de Dieu par rapport à l'acte de la création qui n'a été accompli que dans le temps. Car si Dieu est de toute éternité le maître de la créature, celle-ci n'est pas éternelle. Comment donc expliquer qu'en Dieu ses relations ne tombent point sur la substance, parce que son immutabilité s'oppose, comme je l'ai prouvé au commencement de ce traité, à ce qu'il soit soumis aux influences du temps et des lieux? Non, nous n'osons affirmer que Dieu est de toute éternité le maître de la créature, de peur que nous ne soyons contraints de dire que la créature elle-même est éternelle. Car Dieu ne peut de toute éternité commander à la créature, si de toute éternité celle-ci ne lui est assujettie. C'est ainsi qu'on ne saurait être serviteur si l'on n'a pas un maître, ni maître, si l'on n'a pas un serviteur. Mais peut-être direz-vous qu'à la vérité Dieu est éternel, tandis que le temps est essentiellement fini et limité, en raison même de sa mobilité et de ses variations. Bien plus, comme le temps n'a point précédé le cours des siècles, puisqu'ils ont commencé simultanément, vous vous croirez autorisé à dire que Dieu, même en qualité de maître, n'est point soumis au temps, parce que de toute éternité il est le maître des siècles, qui ont donné au temps sa valeur et son existence. Mais que répondrez-vous au sujet de l'homme qui a été créé dans le temps, et dont le Seigneur ne pouvait se dire le maître avant qu'il ne l'eût créé? Certainement ce n'est que dans le temps que Dieu est devenu le maître de l'homme, et pour parler plus clairement encore, j'affirme que Dieu n'a pu que successivement devenir votre maître et le mien, puisque votre naissance et la mienne appartiennent aux périodes successives des siècles et des âges. Cette question vous paraît-elle obscure, parce que celle de l'éternité des âmes est encore douteuse? Je m'explique en l'appliquant au peuple d'Israël. Comment Jéhovah est-il devenu le Dieu d'Israël? Car en supposant même ce que je ne discute pas en ce moment, à savoir que l'âme de ce peuple fut déjà créée, il n'en est pas moins vrai que ce même peuple n'existait point encore comme peuple, puisque nous ne connaissons pas la date de son origine. Selon le même ordre d'idées, j'affirme que le souverain domaine de Dieu sur les arbres et les moissons est soumis au temps. Et en effet, les arbres et les moissons n'ont qu'une existence bien récente. Mais direz-vous, ils existaient en germe dès la création. Je vous l'accorde, et néanmoins vous m'avouerez qu'autre est la souveraineté qui s'exerce sur une matière brute et inerte, et autre celle qui régit la même matière polie et organisée. C'est ainsi qu'à des intervalles différents, je possède d'abord une pièce de bois, et puis, le coffre qu'elle a servi à confectionner. Car peut-on nier que le coffre n'existait pas encore, quand déjà je possédais le bois? Comment donc serons-nous en droit d'assurer qu'aucun accident n'atteint la substance divine? Ce sera en disant que Dieu est essentiellement immuable et que tout ce qui tient à la mutabilité du temps, des lieux et des créatures, ne s'affirme de lui qu'indirectement et par relation. C'est dans ce même sens que je dis d'un homme qu'il est mon ami, car il n'a commencé de l'être que du jour où il a commencé de m'aimer, en sorte que ce titre d'ami implique en lui un certain changement de volonté. S'agit-il d'une pièce de monnaie avec laquelle je paie? C'est sans changer dans un sens relatif qu'elle devient ou un prix ou un gage ou toute autre chose. Ainsi une pièce de monnaie peut prendre bien des noms et les perdre sans que sa valeur substantielle et intrinsèque en soit altérée. Mais combien plus facilement dirons-nous du Dieu immuable et éternel que tout ce qui se produit dans le temps et par rapport aux créatures, ne tombe point sur sa substance, et ne se dit de lui que relativement à la créature. Seigneur, dit le psalmiste, vous êtes devenu notre refuge. Psaume 89, 1. Mais ici ce mot refuge ne s'applique à Dieu que relativement, tandis qu'à notre égard il se prend dans un sens précis et direct. Et en effet, de ce que Dieu devient notre refuge, lorsque nous avons recours à lui, pouvons-nous conclure qu'il éprouve dans sa nature, ou substance, une modification quelconque, modification qui n'existait pas avant que nous n'eussions recours à lui? Non, sans doute, et c'est en nous seulement qu'il s'opère quelque changement, puisque de mauvais que nous étions précédemment, nous devenons bons en prenant le Seigneur pour notre refuge. L'homme change, mais Dieu demeure immuable. Ainsi encore le Seigneur commence à devenir notre Père lorsque nous sommes régénérés par sa grâce, car, il nous a donné, dit Saint Jean, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12. C'est donc l'homme qui devient meilleur par le fait de son adoption divine, et si le Seigneur commence alors à devenir son Père, cela n'implique aucun changement en sa nature. Je me résume, et je dis que tout ce qui s'affirme de Dieu comme ayant commencé en lui à une date précise, et comme n'existant pas auparavant, ne s'affirme que relativement. Gardons-nous cependant de croire qu'en lui la substance divine soit modifiée par ses relations accidentelles, car elles n'atteignent que le sujet auquel nous les rapportons. L'homme devient juste en devenant l'ami de Dieu, et ainsi il change. Mais on ne saurait assigner une date à l'amour de Dieu pour cet homme, comme s'il ressentait présentement pour lui un amour qui soit nouveau, et qui n'existait pas auparavant. Un tel langage contredirait en Dieu cette vision qui lui montre le passé comme toujours présent, et le futur comme étant déjà passé. Et en effet, avant toute création Dieu a aimé ses élus, et il les a prédestinés à la gloire. Mais lorsque ceux-ci se tournent vers lui, et qu'ils le trouvent, nous disons qu'il commençait à les aimer. Du reste, nous ne parlons ainsi que pour nous faire comprendre et pour suppléer à l'imperfection de tout langage humain. Et de même, quand Dieu s'irrite contre les méchants, et qu'il se montre bienveillant envers les bons, ce sont eux qui changent, tandis que lui-même reste immuable. C'est le phénomène de la lumière qui offense un œil malade et réjouit un œil sain. Certes, la lumière est toujours la même, et notre œil seul a changé. Note. Les cinq premiers livres de la Trinité ont été traduits par Monsieur l'abbé Duchassin. Markendanarchive.org, d'après abbaye-saint-benoît.ch, licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.